Voilà que tu n'as encore le travail, toi-même, tu sais comment ça vient se passer. Miko again, sur le mic, yo. Spécial dédicace pour Sol Diabiz. Nocturnity Sound. Land Bigo. Pris en otage, main sur la tête. C'est un hold-up, la plus grande escroquerie. Sur les visages, la mine inquiète. Une onde de choc. Ce monde où tous les sages, devenus silhouettes, ne font pas bloc, ne font plus aucun bruit. Mauvais présage, masque sur la tête. Cette mascarade, ils sont fous, prêts à tout, pour que notre génération finisse dans le bas. J'en ai perdu les mots, j'pète les plombs de vivre dans cette mascarade. Ils sont fous, prêts à tout. Je crois que le monde chavire, je le vois dépérir. J'prends le temps d'y réfléchir, je sens venir le pire. Trop tard pour réagir, le mal bâtit son empire. De nos peurs il aime se nourrir, nos âmes finissent par mourir. Plus capable de rire, coupable de dire qu'il commence à détruire tout ce qui a punir. Nos rêves, nos souvenirs, l'histoire qu'on a su écrire. Je prie pour que la raison nous aide tous à en sortir. J'en ai perdu les mots, j'pète les plombs de vivre dans cette mascarade. Ils sont fous, prêts à tout, pour que notre génération finisse dans le bal. J'en ai perdu les mots, j'pète les plombs de vivre dans cette mascarade. Ils sont fous, prêts à tout, pour que notre génération finisse dans le bal. Je veux rester libre de mes choix, libre de penser pour que vive la liberté. Je t'en prie, respecte mon choix de ne pas suivre le chemin qu'ils ont tracé. Des années passées, l'expérience m'a appris à toujours me méfier de tous ces hommes en soif de pouvoir qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Le monde n'en peut plus. Aujourd'hui rien ne va plus. Rejoins-moi dans la rue. Dans ton regard j'ai vu que rien n'est encore